mathématiques. Toi t'es pour qu'emmerder les flics. Ils ont peut-être les yeux brûlés, mais toi t'as une gueule de rat crevé. Quand les chiptocs envahiront la France, Fractal sera ta sentence. Les bougnous ont tué les bougnous. C'est des sales connards. C'est des sales, c'est des sales, c'est des sales, sales connards. L'arabophobie est devenue complètement ridicule compte tenu du nombre des personnes concernées. Si vous êtes islamophobe et arabophobe dans un pays comme la France, c'est que vous travaillez très consciemment à la destruction de votre propre pays. Destruction de votre propre pays. Destruction de votre propre pays. Destruction de votre... Les Asiates, ils sont polis. Au moins, ils sont jaunes, ils sont pas gris. Dans Street Fighter, on peut prendre Chun Li. Mais y'a aucun personnage d'Algérie. Les Tibétains, ils les enculent. Bien c'est pour l'enjeu, ils sont trop nuls. Le riz cantonais se fait sa mère. C'est meilleur que couscous à calder. La France a aussi un nouveau visage, il ressemble étrangement au mien. 会继续从纳亚夫直捣巴格达的军队，军在南部的英军装甲部队的部分也是同样的将会从巴斯拉的北边朝着巴格达的方向进入。所以我们可以看到，这五条路线箭头的终点都是指向伊拉克的首都巴格达，而最危险的。 Vous craignez pas la stigmatisation? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'arrête, on s'en bat les couilles.